Et maintenant, le reportage sur Farnaz Modaresifar, qui a également joué hier soir et qu'on va entendre, du coup, dont on va entendre la parole autour de son travail maintenant. À votre répétition, un moment que j'ai trouvé assez intéressant parce que vous avez tout d'un coup évoqué le fait que dans votre pièce il y avait de l'improvisation et en assistant au concert, je pensais savoir de quel moment il s'agissait, mais pour moi il y a quelque chose qui s'est construit de manière très très fluide par rapport à l'écriture et je sais pas ce que vous pouvez en dire, si c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble comme son d'ensemble, ou est-ce que ça vient aussi de l'ensemble recherche qui a un son propre. En fait, la partie d'improvisation ne faisait pas partie de mes pièces composées, mais entre eux. Et nous avons passé avec Ensemble Recherche 4 jours en entier à Freiburg avant de venir ici, à Genève. Et donc, nous en avons beaucoup parlé et travaillé d'une manière très libre, surtout pour ne pas fixer les parties d'improvisation, qu'ils étaient différents l'un l'autre. Parce qu'il y avait trois grands moments d'improvisation ensemble dans la concert, entre les pièces déjà composées. Il y en avait un, par exemple, qu'on avait utilisé les fragments d'une de mes pièces qu'on n'a pas joué dans ce programme. Et après, on l'a habillé d'une façon ou l'autre musicalement avec les musiciens. Donc, et d'autres improvisations ont été inspirées par les extraits de mes propres textes et poésies. Et là, c'était pensé d'une manière que ça soit une trajectoire musicale et poétique pour tout le concert. C'était un concert enchaîné, comme vous avez pu remarquer. Et cette dramaturgie, ça a été construit avec les musiciens d'Ensemble Recherche. Texte revient sur une pratique que je fais depuis mon adolescence. J'écris en permanent les images des scènes de mes rêves, et là je les retravaille après en tant qu'inspiration, ou les textes non édités pour écrire des poésies ou des contes ou des textes fragmentés pour surtout mes compositions. Donc, ce que nous avons entendu dans ce concert, c'était une sélection en résonance ou en écho des pièces qui ont été jouées avant et après. Ce que vous avez entendu dans ce concert, au tout départ, c'était le fruit d'une contrainte purement matérielle, parce que dans la plupart de mes pièces, il y a toujours le piano. Donc le festival ne disposait pas de piano pour ce concert à nous, et donc j'étais obligée de repenser en fait la dramaturgie et le choix des pièces avec l'effectif qu'on pourrait avoir pour Festival Archipel. Et donc, en regardant et en réfléchissant sur toutes mes pièces de mes 10 dernières années, ça, c'est, je peux dire que c'est quelque chose très exceptionnel que j'aille avoir un concert avec mes pièces très récentes de l'an dernier ou qui datent en 2013-2014, qui sont assez anciens, et de voir et entendre moi-même avec les musiciens une sorte de témoignage dans le temps. Mon évolution, mes changements d'esprit, et ça c'était quelque chose de très agréable, et je trouve ça que nous avons quand même réussi à construire une directionnalité musicale très convaincante qui a été née à partir d'une contrainte. Dans l'annonce du concert, dans ce programme, et puis aussi dans l'ouverture du concert, il y a le centaur que vous jouez. Une première question par rapport à ça. Enfin, quelle est la place de cet instrument dans le concert, et puis aussi dans votre carrière de compositrice et puis de musicienne? Je peux distinguer également cette question en deux parties, parce que là, c'était une décision que nous avons prise ensemble pour commencer la pièce avec une improvisation dans mon style personnel d'après le répertoire classique persan, le radif, pour qu'on puisse déjà rentrer dans l'univers et dans la culture sonore de cet instrument, d'entendre l'identité de cet instrument à travers cette culture iranienne. Et puis, au fur et à mesure, dans les pièces improvisées ou écrites, on peut distinguer les différentes sonorités, les préparations, jeux à l'archet, et pouvoir comprendre qu'un instrument traditionnel peut avoir de différentes façons de sonner. Et par rapport à votre question sur la place de cet instrument dans ma musique, c'est une question que je me pose et qui m'accompagne surtout en permanente, parce que j'ai commencé mon parcours musical en tant qu'interprète traditionnelle pendant des années. J'ai eu ma licence en Iran, j'ai fait le Conservatoire National de Téhéran en interprétant le santour, et avant de m'intéresser et découvrir la musique contemporaine et la composition dans le sens en termes européens. Donc, ça, cet instrument qui représente une culture et une musique en particulier m'accompagne toujours comme déjà la source d'inspiration, et également quelque chose que je dois parfois le mettre volontairement à côté ou oublier ou m'éloigner d'eux, pour que je puisse réfléchir d'une autre façon aujourd'hui, en sautant et dans la géographie que je vis. Donc c'est quelque chose qui me pousse vers une créativité parfois plus originale. En même temps, ça me nourrit dans mes racines culturelles et humaines. Je souhaite dire que ce que vous avez entendu dans ce concert, c'est vraiment exceptionnel, que je joue et je participe autant à la ceinture, avec le ceinture, avec les musiciens. Donc je n'ai pas énormément de pièces écrites pour ceinture et ensemble, mais de temps en temps, si je vois le besoin sonore, je le fais. Mais là, c'était vraiment la première fois que je jouais autant avec l'ensemble dans les différents styles de jeu. Et l'inspiration que nous avons évoquée plusieurs fois qui vient de cet instrument, pour moi, c'est au-delà de la musique. Parce que la musique persane, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est une musique qui est étroitement liée à la littérature et la poésie classique persane. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de passer par une certaine compétence et compréhension de la littérature et la poésie, ce qu'on apprend exprès au Conservatoire de Téhéran quand on est interprète, pour pouvoir mettre en valeur la poésie à travers la musique et nos instruments. La musique persane, je veux dire. Et donc, cette pensée littéraire, il y a une force cachée, entre guillemets, qui est toujours derrière ma pensée musicale et qui me nourrit, qui me fait avancer d'une façon ou l'autre. Même si je ne m'adresse pas directement, je ne fais pas partie des compositrices iraniennes qui utilisent une sorte de collage ou des citations très claires des mélodies persanes ou des intervalles iraniens. Mais cette pensée qui forme la dramaturgie musicale de la musique persane m'accompagne toujours.